Les nouvelles des activités révolutionnaires des dirigeants suprêmes Kim Jong-un ont été rapportées dans divers pays. Les agences de presse russes TASS et RIA Novosti, la télévision Genius et le journal Statement de l'Inde, l'agence de presse Inde Asie, la NHK du Japon, l'agence de presse Chinevel, la télévision centrale, la télévision satellitaire Finis dans Hong Kong, les réseaux Planète, Nord-Est et Information du Nord-Est de Chine, le journal britannique Daily Mail, le journal suisse Le Matin, l'agence de presse américaine UPI, le journal péruvien Il Comercio, les homepages internet du Comité national nigérien d'études du kimilsonisme kimjonglisme et du Comité national d'études des études justes du Congo démocratique ont annoncé que le dirigeant suprême Kim Jong-un inspectait la troupe de défense de l'île de Changzhe et la troupe de défense héroïne de l'île d'Ombu, située à l'extrême sud des parages du front sud-ouest. L'agence de presse guinéenne, le journal népalais Alfan, les homepages d'internet de l'Association des journalistes népalais d'études des études justes et de la politique de Sengun et de l'Association d'amitié Népal-Corée ont informé de son assistance à la démonstration de frappes interarmées de l'armée populaire de Corée consacrée au 85e anniversaire de la fondation de l'héroïque armée populaire de Corée.